Le Salon Noir. À nos braves Gaulois, morts pour la France. Une telle phrase peut paraître anachronique. Et pourtant, depuis plus d'un siècle et au nom de la patrie, de l'État ou de l'identité nationale, les Gaulois ont été appelés à la rescousse pour sauver une France bimillénaire. Depuis sa reddition, Vercingétorix est devenu un de nos plus beaux symboles. Dans une posture presque christique, n'a-t-il pas fait don de sa personne, pour reprendre une phrase de Philippe Pétain. Pour en parler, Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Conservateur en chef du patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, vous venez de rentrer de vos fouilles gauloises, bien entendu. Vous êtes surtout en France le plus fin connaisseur de cette étonnante relation que nous entretenons avec nos soi-disant ancêtres. Mais revenons à l'actualité. Une tombe aristocratique vient d'être découverte en juin dans les Ardennes, la tombe à char de Warc. Une jolie découverte qui doit vous intéresser, Laurent Olivier. Oui, bien sûr, c'est une découverte nouvelle, extraordinaire, qui donc ne ressemble à absolument rien de connu. Il y a là la tombe d'un personnage qui est enterré avec une paire de forces, un rasoir, auprès de lui une épée. Il porte, ça c'est des objets relativement connus, il porte au cou un torque en tôle d'or d'un type inconnu. Le fameux collier rigide. Voilà, un collier rigide en tôle d'or sur un support en matière organique, peut-être cuir ou peut-être même de la cire, comme on en connaît d'autres exemplaires. Il est enterré sur la caisse d'un char à deux roues. À l'avant, et ça c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais vu ça, il y a les deux chevaux qui tractaient le char qui sont enterrés sous le joug. Et puis à l'arrière de la chambre, il y a encore deux autres chevaux, peut-être des chevaux personnels du défunt. C'est pas un quadrige déjà? Non, c'est un char tiré par deux chevaux. Et puis parmi le mobilier, des vases en céramique, et puis surtout des choses étonnantes sur le char, des plaquages de feuilles d'or, des éléments en bronze avec des incrustations de verre jaune et bleu. C'est connu ce genre de choses ? Non, on n'a jamais vu ça. Mais rappelez-vous les découvertes précédentes de la fameuse statue du Glauberg avec ses étonnantes oreilles de Mickey, on n'avait jamais vu ça non plus. Et puis plus loin de nous, Tintignac. Casque en forme d'anneau olympique. Un truc absolument étonnant. Ou encore plus loin de nous, le fameux sofa de Hordorf qui avait un petit air art nouveau qu'on ne connaissait absolument pas. L'archéologie découvre des choses encore incroyables. C'est ça le propre des grandes découvertes, c'est que ça ressemble à rien. Et c'est ça qui est passionnant dans cette nouvelle trouvaille. On peut penser à un char de guerre ou un char d'apparat? Alors on dit... Est-ce que ça ne peut pas d'ailleurs être une sorte de mixte? Bah, ça peut tout à fait être un mix. On dit un peu rapidement un char d'apparat parce qu'il y a des plaquages d'or et des éléments décoratifs qui sont assez fragiles pour aller à la guerre. C'est plus vraisemblablement un char de guerre qui appartient à un personnage de haut rang et qui donc est une décoration très élaborée. Les archéologues s'interrogent actuellement. Cette tombe semble assez tardive et assez atypique. Certains y voient même quelque influence lointaine, l'Italie, les îles britanniques, la Germanie, pourquoi pas? Oui, je pense qu'il ne faut pas commencer tout de suite à délirer. La fouille est à peine terminée. Je crois qu'il faut d'abord voir le mobilier, voir à quoi ça ressemble. Il faut avoir des idées quand même. Et puis regarder ça un petit peu à tête reposée. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est une trouvaille nouvelle. Elle est finalement pas très loin de la trouvaille de Roissy. Quand vous regardez l'assemblage funéraire, quand vous regardez le mode de déposition du mort, c'est des choses qui sont encore dans la tradition de la fameuse tombe à char au bronze d'art trouvée sous l'aéroport de Roissy. Donc vers le 3e siècle avant notre ère, c'est à peu près alors, ça. Alors il faut regarder le mobilier, j'avoue que je ne l'ai pas vu le mobilier, donc je ne peux pas dire, mais on est plutôt, oui, entre la fin du 3e et les débuts du second. À Roissy, on avait deux tombes à char, celle d'un guerrier et puis peut-être celle d'un druide. Alors à Roissy, on avait un tout petit groupe funéraire avec deux tombes aristocratiques, l'une appartenant à un guerrier et l'autre appartenant à un personnage complètement atypique, lui aussi, enterré sans armes, avec toute une série de bronzes d'art qui décoraient normalement le char lui-même. Avec une sorte de vase en bronze coulé à la cire perdue, alors on qui était peut-être quelque chose de narratif. On a dit que c'était un vase, ça fonctionne assez mal comme une résille autour d'un vase. Osons l'avouer, on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas à quoi ça sert. Ce qui est tout à fait intéressant dans la tombe de Roissy, c'est qu'effectivement, tout un bestiaire fantastique. Jusqu'à présent, on connaissait ces représentations de manière isolée. Là, elles sont assemblées et on voit qu'il y a un ordre. On voit qu'il y a, par exemple, une chaîne de 10 petits monstres autour d'un motif de 3 dragons centraux. Les 10 monstres reprenant d'ailleurs le motif du pentagone, qui est un motif mathématique complexe, une chose qui ne peut pas se construire de manière aléatoire. Il faut de la théorie derrière. Théorie grecque, non ? Grecque ou peut-être celtique. Quand on regarde qui a fabriqué les premiers éléments à base de pentagone, c'est pas en Grèce que vous les trouvez, c'est en Gaule, en fait. Et donc, il y a probablement aussi... Alors c'est une question très compliquée, l'histoire des mathématiques, y compris pour les mathématiciens eux-mêmes. Mais il y a évidemment à Roissy de la science, il y a de l'art et de la science en même temps. Donc peut-être un druide savant. Cette tombe de Warc, vous disiez que c'était une tombe tout à fait exceptionnelle. Elle va arriver dans votre grand musée d'archéologie nationale ? Non, bien sûr, les trouvailles sont destinées à aller dans les musées régionaux. Elle ira au musée de l'Ardenne à Charleville. Ce qu'on a proposé en revanche à l'équipe du service d'archéologie des Ardennes et au conseil général, on leur a proposé notre assistance en tant que musée national. C'est une découverte exceptionnelle, non seulement en France, mais au plan européen. Si on peut les aider en matière scientifique pour contribuer aux analyses, en matière de conseils, pour les aider dans la publication, pour les aider dans... Peut-être une publication internationale bien aussi. Bien sûr, un colloque international aussi, ça vaut la peine. On est à leur disposition pour ça, et je pense qu'on est dans notre rôle. Laurent Olivier, comment une telle découverte aurait été perçue en 1914 ? Côté français et d'ailleurs côté allemand. Probablement d'une manière tout à fait différente. On aurait pensé côté français qu'il s'agissait naturellement et évidemment de la tombe de Gaulois. Côté allemand, on se serait beaucoup interrogé sur les limites culturelles des Germains et des Celtes. À qui appartient-elle ? Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de débat sur l'identité ethnique des trouvailles. On est beaucoup plus dans l'interprétation technologique des différents éléments et dans une étude fine des objets eux-mêmes. On n'aurait peut-être pas retrouvé tout ça aussi ? Les techniques ont bien changé depuis ? Oui, probablement que les techniques de fouille n'auraient pas été les mêmes au début du XXe siècle. Et en particulier, on se rend compte que tout ce qui apporte énormément d'informations, comme les restes de matériaux organiques, qui sont là très nombreux et très importants dans la tombe de Warc, auraient probablement échappé à l'attention des fouilleurs, auraient été notés sans qu'ils puissent faire l'objet de prélèvements tels qu'on les fait maintenant. Au cœur des tranchées, au moins une tombe aristocratique gauloise fut fouillée durant la Première Guerre mondiale. Laurent Olivier ? Oui, alors ça, c'est des fouilles... C'est une drôle d'histoire. Oui, c'est une drôle d'histoire. Ce sont des fouilles qui ont été réalisées par les troupes allemandes sur le site de Bussy-le-Long, dans l'Aisne, où le creusement de tranchées a révélé des vestiges archéologiques. Et il y a immédiatement à l'époque, le souci, c'est animé par un organisme qui s'appelle à l'époque le Kunstschutz, c'est le service de protection des œuvres d'art. Tout de suite, il y a eu l'idée de se dire qu'il fallait répertorier ces découvertes, il fallait les conserver et il fallait les envoyer dans un musée, le musée de Berlin en l'occurrence. Donc, il y a eu tout de suite un rapport archéologique qui a été réalisé par un des soldats. Et puis, on a envoyé des experts pour expertiser. Ils n'ont pas pu se rendre sur place parce que c'est dans une zone de combat. Mais il y a tout de suite eu une prise en charge des vestiges archéologiques. Et ça, c'est quelque chose de très important dès l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est la prise en compte du patrimoine culturel, qui n'est pas dénué d'un aspect de propagande d'ailleurs, hein, parce qu'on se rappelle l'incendie des grandes cathédrales bombardées par les Allemands. Il y a une vraie guerre de l'information et de la désinformation là-dessus. Les Allemands sont des barbares qui détruisent le patrimoine et eux disent « mais non, regardez, nous prenons en charge les vestiges archéologiques, le patrimoine culturel dans les zones de guerre ». Et pour eux, c'était un Gaulois ou un Germain ? Pour eux, c'était quelque chose de celtique. C'était quelque chose de celtique et qui devait... Il n'y a pas encore, en 14, il n'y a pas encore toute cette problématique raciale qui va se développer avec l'archéologie nazie. En tout cas, le matériel a été retrouvé à Berlin. Et en tout cas, le matériel a été envoyé au musée de Berlin. Et retrouvé. Oui. Et réétudié donc par les Français. Les Français ont pu y avoir accès et ont pu le réétudier avec l'ensemble de la nécropole qui a fait l'objet d'une grande fouille. L'archéologie de la guerre de 1914, c'est bien entendu la découverte de la tombe d'Alain Fournier, le Grand Maune, tombé en septembre 1914. C'est surtout pour les archéologues la mort du plus grand proto-historien français, Joseph Deschelettes, mort pour la France le 4 octobre 1914 sur le front de l'Aisne, justement. Alors, il est tué à Vingré, c'est un village minuscule de l'Aisne. Il est touché par un éclat d'obus et il meurt effectivement à 1h moins le quart le 4 octobre 1914. Deschelettes avait absolument voulu, il avait passé l'âge d'être recrutable pour l'armée, il avait absolument voulu être à l'armée et être sur le front. Il était dans un régiment territorial qui avait été constitué à Roanne, le 298e régiment d'infanterie. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il meurt donc en octobre et en novembre a lieu une affaire terrible qui a laissé des plaies dans la mémoire collective, c'est l'affaire des fusils de Vingré. Un jeune lieutenant entraîne les soldats au combat et il panique, il reflue en courant vers l'île française et on accuse les soldats d'avoir, qui ne savent pas quoi faire, on accuse les soldats de s'être enfuis devant l'ennemi et on en fusille un petit groupe. Ce seront les fusillés de Vingré. Alors c'est tout à fait étonnant parce que c'est des gens de Roanne qui sont des gens de ce régiment d'infanterie qui sont fusillés et probablement, on peut penser probablement que Deschelettes les connaissait. Ou en tout cas, on peut s'interroger sur ce qu'aurait été sa mort si au lieu de mourir en octobre, il était mort fin novembre, quelques semaines plus tard. Joseph Deschelettes, c'est bien sûr le fouilleur de Bibracte, là où les armées gauloises se sont réunifiées. Oui, mais c'est surtout un précurseur absolument génial de l'archéologie proto-historique. Un archéologue véritablement européen qui développe une méthode comparative qui est très proche des chercheurs de Saint-Germain-en-Laye hein, autour desquels va se former l'embryon d'une nouvelle perception de la proto-histoire et de l'histoire. Hein, C'est le père de la proto-histoire française. On peut le dire, même de la proto-histoire européenne, je pense qu'on peut le dire. Un chercheur absolument hors norme. Au travers de manuels qui font encore date aujourd'hui. Son manuel est un petit peu dépassé, mais l'idée est formidable. L'idée, c'est d'établir une synthèse de tous les matériaux archéologiques connus avant la guerre de 14. Alors évidemment, il arrive à un bon moment. Il arrive à un moment où c'est prêt, hein, où les documents ont atteint une sorte de masse critique. C'est possible de faire une synthèse. Et c'est lui qui l'a fait. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Deschelettes, c'est que dès l'origine, il perçoit sa recherche comme fondamentalement européenne. Il a un réseau de correspondants dans toute l'Europe, beaucoup en Allemagne d'ailleurs. Et son idée, c'est de construire une archéologie qui, justement, mette en perspective, mette en rapport toutes les trouvailles qui sont réalisées sur le sol de l'Europe. Et à y regarder presque un peu de plus près, on a presque l'impression que Deschelettes a tout vu, tout compris. On tente encore aujourd'hui un peu de marcher dans ses pas. Ben, je pense par exemple que le projet du Beuvray, par exemple, le projet de centre archéologique du Beuvray, il est tout à fait dans l'héritage de Deschelettes. Ou en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui reprend sa démarche, qui reprend l'esprit de la démarche de Deschelettes, en inscrivant la proto-histoire française dans une dimension fondamentalement européenne. Laurent Olivier, parallèlement, Camille Julien, professeur au Collège de France et du haut de sa chaire, appelle aux Gaulois pour vaincre les Germains. Alors Julien, il est intéressant, Camille Julien, parce que c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement bien. Hein, c'est un historien à la Michelet hein, qui cherche à retrouver, disait-il, l'âme du passé. Et il a été traumatisé, comme Barrès d'ailleurs, dont il n'est pas très loin, par le traumatisme de la guerre de 70, par la perte de l'Alsace-Lorraine. Et ce que cherche à faire Julien, c'est dans ces périodes de traumatisme, c'est à chercher un appui dans le passé, et à chercher à ce que le passé soit une leçon pour le présent. C'est pas très loin finalement de ce que Benjamin appelait l'étincelle du passé, qui doit être réveillée dans le présent. L'idée que le passé n'a de sens en réalité que s'il est mis en rapport avec le présent. Et je pense que au-delà de l'aspect, si on dépoussière Julian de tout justement cet aspect nationaliste, franchouillard un peu, il y a quelque chose de formidable chez lui que je trouve. Il y a un intérêt pour rechercher les émotions du passé, rechercher l'authenticité des sentiments du passé que je trouve formidable. C'est lui qui disait que les Gaulois étaient un peuple de guerre et de bruit. Oui, c'est une très belle formule. L'histoire de la Gaule de Camille Julian, c'est une histoire de la France, une histoire nationale, voire même une histoire nationaliste. Oui, bien sûr. C'est surtout l'idée que... c'est une idée qui est d'ailleurs très répandue à l'époque. C'est l'idée que la Gaule est en fait la préfiguration de la France. Que la France, et la République française en particulier, c'est la réalisation de la Gaule adulte, en quelque sorte. En tout cas, Julian, c'est de l'histoire, c'est pas de l'archéologie. Il n'en a absolument pas besoin. Oui. Quand vous lisez, par exemple, son Vercingétorix, qui a été un succès d'édition, je crois que ça a été réédité 11 ou 14 fois, je ne me souviens plus exactement. En fait, il n'y a absolument pas aucune référence à l'archéologie. Si on en parle un petit peu vaguement à propos des monnaies. Mais c'est une histoire qui se passe de l'archéologie. Et c'est d'ailleurs bien là le problème, en fait. C'est ce divorce entre les données de l'histoire et les données de l'archéologie, dans lesquelles, finalement, l'archéologie, comme elle n'est vue que comme l'illustration de l'histoire, elle n'a pas grand-chose à dire, qui ne soit beaucoup mieux dit et avec beaucoup mieux de détails par l'histoire elle-même. Et à y réfléchir, l'histoire, c'est toujours celle, bien sûr, des vainqueurs, les Romains. Dans ce cas, l'archéologie pourrait-elle faire une archéologie des vaincus ? Oui, moi j'en suis persuadé. Par définition, elle serait plutôt, comme disait Walter Benjamin, elle est celle qui donne la voix ou sans voix à ceux qui n'ont pas eu la voix dans l'histoire. C'est elle qui révèle les charniers dans lesquels on a voulu cacher les victimes des régimes totalitaires. C'est elle qui révèle les perdus de l'histoire, justement. Et elle a un rôle de justice historique, fondamentalement, l'archéologie. Durant la Grande Guerre, nous avons bien sûr Vercingétorix. Les Allemands, eux, ont Arminius, vainqueur des Romains en 17 ou 18 avant notre ère. Oui, alors c'est l'histoire fabuleuse, parce qu'en fait, c'est deux personnages qui sont au miroir. Vercingétorix d'un côté, le héros français, et puis de l'autre côté, Arminius, le vainqueur germain des troupes romaines. Et dans les deux cas, ils incarnent... l'esprit national, l'esprit du peuple, le peuple allemand d'un côté, le peuple français de l'autre, mais d'une manière radicalement différente. C'est ça qui est tout à fait intéressant, parce que du côté français, c'est une idée républicaine, c'est l'idée que la Gaule est une préfiguration politique de la France. C'est l'idée que c'est la majorité qui décide, c'est le peuple lui-même qui décide de se doter de ses propres lois, de sa propre organisation. Alors que du côté allemand, déjà, on sent déjà en formation l'idée ethnique, l'idée qu'on appartient en quelque sorte génétiquement à l'Allemagne, qu'on est allemand et, par le sol. Et le sang. Alors le folk, que, c'est ça oui, le folk, oui. Et la bataille de Teutoburg, celle donc d'Arminius, a-t-elle été fouillée comme Gergovie ou Alésia ? Alors depuis les années 90, on a pu localiser le site et il y a un programme de recherche absolument extraordinaire qui est mené sur l'emplacement de cette bataille. On trouve quantité d'éléments de la plus haute importance historique. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Laurent Olivier, que vous êtes conservateur en chef du patrimoine en charge des collections celtiques et gauloises au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Nous évoquons le poids des Gaulois dans notre propre idéologie nationale. Nous voici en juin 40. Une fois de plus, les Gaulois sont battus, mais vaincus pour leur propre bien, c'est bien ça ? Alors c'est tout à fait intéressant parce que le régime de Vichy, en fait, qui se place dans le rejet complet, fondamental de l'héritage de la Révolution et de la République, donc, remodèle complètement le mythe gaulois pour en faire un instrument de légitimation de sa politique. Et en fait, l'idée, c'est de dire qu'en 1940, on est comme en 52 avant Jésus-Christ, on a été brave, mais on a perdu. Et en fait, il faut qu'on s'intègre dans un nouvel ordre mondial qui, comme on le dit à l'époque, est le seul garant de la paix dans le monde. Et donc, c'est cette idée qu'en fait, le monde gallo-romain, la réussite gallo-romaine avec ses grands monuments, ses grandes villes, eh bien, c'est quelque chose de parallèle à ce que doit être une France intégrée dans la nouvelle Allemagne. Donc, on se sert de l'archéologie, on se sert en particulier de l'archéologie gallo-romaine comme d'un instrument de propagande idéologique. Il y a eu des fouilles ? Alors oui, justement, c'est bon, 41, la fameuse loi Carcopino, c'est le moment où on réglemente l'archéologie, mais on dote l'archéologie d'un budget et on commence les premières grandes fouilles de manière intéressante par le dégagement de grands monuments gallo-romains. C'est le moment où on fouille les édifices de spectacle de Fourvière, par exemple. On donne l'accent à tous ces sites qui sont des sites qui représentent la réussite de l'intégration des Romains, des Gaulois dans l'Empire romain. Gergovie est la grande victoire, bien sûr, de Vercingétorix sur César. Le 30 août 1942, Philippe Pétain se rend à Gergovie. On écoute cet extrait de l'actualité de l'époque. Déjà par le courage et la vaillance de ceux qui gravèrent les premières pages de notre histoire, Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les coins de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la dalle sera scellée par le maréchal. Un commentaire, Laurent Olivier, sur Gergovie en 42. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on célèbre à Gergovie, c'est pas tellement la victoire gauloise sur les troupes romaines, qui pourrait porter mal à conséquence, mais C'est l'Empire français. Mais c'est l'Empire français. C'est l'unité de tous les Gaulois, d'où qu'ils viennent. C'est symbolisé par la remise des terres, le dépôt des terres de l'Empire dans un cénotaphe que scelle en personne le maréchal Pétain, qui se trouve à l'emplacement du monument qui a implanté sur le site de Gergovie. Donc ce n'est pas la guerre, mais c'est aussi la paix de l'occupation. Oui, c'est l'idée de dire que les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, doivent s'unir derrière le maréchal et que le maréchal, en scellant toutes ses terres à Gergovie même, est le garant de l'unité nationale. Ce mausolée de l'État français, puisqu'on est au cœur de l'État français, et de l'Auvergne, on est donc chez les Arvernes, est-ce qu'il existe toujours ? Alors il faut dire que c'est un monument plus ancien, hein. c'est un monument de la Belle Époque, qui existe toujours sur le site de Gergovie, hein, avec une sorte de grosse colonnade un peu grossière qui évoque la barbarie gauloise, sans doute. C'est dans ce monument, c'est à la base de ce monument que sont scellées les terres du maréchal. L'ensemble existe absolument toujours. Il n'a jamais ni été abattu, ni été reconstruit. C'est le plus grand moment archéologique de Philippe Pétain, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? On est en plus en 1942, c'est l'époque la plus sombre de cet état. Hein. C'est l'époque la plus sombre. Je pense que ce qu'il faut qu'on mentionne aussi, c'est que certains préhistoriens participent à cet événement, et en particulier le comte Bégoin de Toulouse, qui envoie de la terre provenant d'un des plus anciens sites paléolithiques de France dans le fameux mausolée ou cénotaphe de Gergovie. Pourquoi ce choix de Gergovie, alors que les polémiques sur la localisation exacte de la bataille sont encore animées et continuent d'ailleurs de l'être, hein, comme Alésia et le reste ? Je pense que c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est que Gergovie pose moins de problèmes polémiques qu'Alésia. Et puis surtout, ce qu'on veut montrer à Gergovie, on veut faire passer un petit peu à l'arrière-plan la défaite écrasante qu'imposent les Gaulois aux Romains, pour montrer que les Gaulois sont capables du meilleur lorsqu'ils sont unis. Je pense que c'est ça le message politique qui est derrière ça. Et puis surtout que cette union, ce n'est pas l'union uniquement des provinces françaises qui était fortement représentée. Tout le monde était là en costume folklorique pour déposer son urne régionale, mais aussi les différentes colonies françaises. Hein. C'est une célébration de l'Empire français. Ce nouvel ordre, l'État français, s'appuie très fortement sur les Gaulois. Pétain, c'est Vercingétorix. Alors c'est très intéressant parce que dans la symbolique du régime, hein, le passé gaulois est extrêmement présent. Hein. La ceinture du maréchal, par exemple, est ornée d'une frise de guerriers gaulois. Le képi du maréchal est orné de feuilles de chêne qui symbolisent les origines gauloises. En tout cas, la Francisque, elle est plutôt romagienne. Et puis n'oublions pas la Francisque est présentée de manière totalement anachronique comme une arme spécifiquement gauloise. Qui symbolise, incroyable, là encore, l'unité des combattants gaulois, derrière leur chef. Et puis Pétain fait ce parallèle en disant qu'il fait le don de sa personne à la France. Et dans les représentations du régime qui sont destinées à la jeunesse, très fréquemment, on met en miroir Vercingétorix s'agenouillant devant César et faisant en quelque sorte lui aussi le don de sa personne au vainqueur en se remettant physiquement vainqueur, et puis Philippe Pétain qui lui-même fait don de sa personne à la France pour s'engager dans la voie de la collaboration. Qu'en est-il côté allemand? Curieusement, le héros Arminius a été relégué aux oubliettes de l'idéologie nazie. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'Arminius est un héros un petit peu trouble, ou du moins, il n'est pas très intéressant pour le régime nazi. Et ce qui intéresse le régime nazi, c'est la promotion d'une idée raciale. Et en fait, ils vont beaucoup... Au travers d'aristocrates germains. Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, ce que cherchent les nazis, c'est bien des germains? Ils cherchent des Indo-Germains, ce qu'on appelle, nous, des Indo-Européens. Ils cherchent l'origine de la pureté raciale germanique qu'ils vont imaginer dans les pays du Nord, en Scandinavie. Alors, comment voit-il dans ces cas-là nos vieux Gaulois? Ils sont ambigus par rapport à ça, parce que, en fait, l'archéologie montre clairement qu'il y a des vestiges de type celtique ou gaulois sur le territoire même de l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la race supérieure germanique aurait connu des instants de faiblesse et qu'elle aurait été envahie par les Celtes à certaines périodes. En fait, ce qu'ils vont chercher à démontrer, c'est que les Gaulois sont des sortes de cousins de la grande branche indo-germanique. Et qu'en fait, ils sont une sorte de rameau parallèle, mais d'origine biologique, raciale, germanique. Est-ce que la résistance va, elle aussi, s'accaparer ce mythe gaulois, ce mythe de Vercingétorix? Alors, il y aurait une émission complète à consacrer à la personnalité de Vercingétorix, car Copineau lui-même, le ministre de l'Éducation de Vichy, présente Vercingétorix comme une dupe, quelqu'un qui est trompé par les ruses de César. Et puis, la résistance s'empare de la personne de Vercingétorix pour en faire, au contraire, et on s'y attend, le défenseur, celui qui mène l'insurrection, le héros de la résistance. Donc il y a véritablement, dans la personne de Vercingétorix, il y a un vrai enjeu à la libération. L'histoire, mais aussi l'archéologie, et je vous avais déjà posé la question, sont décidément des disciplines idéologiques? Fondamentalement, puisqu'elles partent de nos origines, elles sont totalement immergées dans l'idéologie, dans ce qu'on imagine être nos origines, qui sont forcément un fantasme. Le germain, le gaulois, tout ça, c'est ce que ce ne serait pas pour finir la même chose? Oui, bien sûr. Du point de vue archéologique, c'est assez difficile de faire la différence. Ça montre bien d'ailleurs quels enjeux se trouvent derrière ces notions-là. Plus d'un politique en appelle aujourd'hui à la France millénaire. En septembre 1985, François Mitterrand se rend à Bibrac, la même où les armées gauloises furent unifiées. À votre avis, Laurent Olivier, les Gaulois Vercingétorix, au même titre que Jeanne, ont un bel avenir politique? Ben, on verra. En 1985, Mitterrand avait utilisé le site du Beuvray comme un symbole européen, comme un symbole de la civilisation celtique s'étendant sur toute l'Europe. Aujourd'hui, on sent que l'utilisation des Gaulois est plus liée à un repli sur soi. Et effectivement, cette question-là est intéressante. Elle risque de se reposer dans le futur. Laurent Olivier, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadja, à la technique Vincent René, attaché d'émission Catherine Denet.